Cicéron, le plus célèbre des orateurs romains, vécut au 1er siècle avant notre ère. La rhétorique enseigne même à avouer spirituellement, avec ruse et sans danger, ce qui est répréhensible, de sorte que si l'on vous reproche une action honteuse qui ne peut être niée, vous répondez par une plaisanterie, et le fait paraît plutôt digne de risée que d'une accusation sérieuse. Tel fut le moyen mis en œuvre par Cicéron, auquel on reprochait une faute qu'il ne pouvait nier. Il se disculpa par un mot plein d'esprit et d'humanité. Il voulait acheter une maison sur le mont Palatin, et n'ayant pas, à l'instant même, la somme nécessaire, il emprunta secrètement à Publius Sylla, qui était alors accusé, 1 million de sesterces. Mais, avant l'achat, le secret fut trahi et divulgué. On reprocha à Cicéron d'avoir emprunté à un accusé pour acheter une maison. Cicéron, d'abord interdit par ce reproche inattendu, nia l'emprunt et même le projet d'achat. Qu'il soit vrai, dit-il, que j'ai emprunté l'argent si j'achète la maison. Dans la suite, cependant, il l'acheta. Et comme ses ennemis, l'accusé de mensonge en plein Sénat. Homme de peu de sens, dit-il en riant, quoi donc, ignorez-vous qu'un père de famille prudent assure, par crainte des compétiteurs, qu'il ne veut pas acheter ce qu'il brûle cependant d'acquérir ?